Le délégué de la République populaire démocratique de Corée a fait son discours le 15 courant dans la 35e session du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme tenue à Genève. Il a dit « Sous la politique de privilège, de respect et d'amour du respecté dirigeant suprême Kim Jong-un pour le peuple, la Corée mène aujourd'hui une lutte énergique pour repousser les machinations de sanctions et de pression des forces d'hostilité et assurer au peuple le droit à l'indépendance et les droits humains authentiques. » Le gouvernement de notre République rejette toutes les tentatives de politiser le problème des droits de l'homme, mais il s'intéresse beaucoup au dialogue et à la collaboration authentique dans le domaine des droits humains internationaux. Le Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme est tenu de ne plus fermer les yeux devant la violation des droits de l'homme par les États-Unis, le pire toundra et le premier violateur des droits humains dans le monde. Le Japon est le pays criminel typique des droits de l'homme et il n'a pas le droit de parler des droits de l'homme. Quant à la Corée du Sud, on manque de mots pour relater ces crimes de violation des droits de l'homme. À noter qu'en avril de l'année dernière, les autorités sud-coréennes ont enlevé 12 citoyennes de notre République et refusent obstinément leur renvoi jusqu'à aujourd'hui. C'est le crime de kidnappage typique du 21e siècle et la violation outrageante des droits de l'homme. La délégation coréenne exige vertement du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et du Conseil pour les droits de l'homme de porter toujours une attention aux problèmes de kidnappage de nos citoyennes et de prendre une mesure requise en faveur de leur renvoi immédiat.